11 juillet. Le groupe phare du rock alternatif, Linkin Park, le 13 juillet. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Motion Dry. Informations sur infofestival.com. Au cœur de la boutique Le Naturaliste, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour explorer le monde naturel, qu'il s'agisse de l'infiniment petit, de l'univers ou simplement du milieu qui vous entoure. La boutique vous offre des rabais de 20% sur les jumelles Bochnel et Leupold, ainsi que des rabais sur les télescopes astronomie. Ne manquez pas la chronique d'Éric Gagnon, spécialiste en astronomie, ce mardi à l'émission Avant 9h, tout est possible, dès 8h30. Le Naturaliste, 2925 Chemin Sainte-Foy, 1-877-653-2444. Lenaturaliste.ca. Sais-tu qu'est-ce qui me fait plaisir, moi? C'est quand ça sent les patates frites. Moi, c'est quand je vois quelqu'un qui sourit dans son auto. Ah, moi, c'est quand il fait chaud et que je sens un petit vent léger qui caresse mes cheveux. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir deux personnes qui s'embrassent sur le trottoir. Mon plus plaisir, c'est lorsque mes parents écoutent l'Opinard du chef avec Denis Barry, le jeudi soir entre 20h et 22h à CKRL. Ce soir-là, c'est inévitable. Ils sont toujours de bonne humeur. Ça me fait plaisir. We interrupt this record to bring you a special bulletin. Good God! Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. What happened? Bonsoir et bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy qui est avec vous. Encore une fois, j'ai parcouru le web pour vous trouver des pièces gratuites. Je vous avoue que ça n'a pas été une grosse semaine, donc je vais vous consacrer plus la première partie de l'émission à des pièces qui sont gratuites ou disponibles pour téléchargement gratuit sur Internet. Pour télécharger, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E, donc c'est une bonne source de musique gratuite. Puis j'ai des liens vers d'autres sources aussi qui donnent dans le gratuit, mais qui n'est pas nécessairement de la musique. On va débuter tout de suite avec quelques pièces assez tranquilles, je dois vous avouer. Ça vient de l'étiquette Birdsong, une étiquette qui nous vient d'Israël. Je vais débuter avec Sanza Valore, un artiste qui vient de Portland, Oregon. Je vous fais passer sa pièce Bigger Veins. Ensuite de ça, on va entendre un groupe, j'adore le nom, qui s'appelle Uncle Owen Aunt Beru. C'est une référence à Star Wars. Il s'agit de Jessica Caliero, qui vient de Géorgie, aux États-Unis, qui fait un genre de folk assez tranquille, un folk un peu lo-fi sur les bars, mais c'est quand même drôle, un petit thème qui ramène à Star Wars. Donc, je vous fais passer sa pièce « Earth is the right place for love ». Puis ensuite de ça, on va entendre un artiste ukrainien qui s'appelle Artik. Sa pièce s'appelle Polka. Donc, trois artistes qui sont sur l'étiquette israélienne Birdsong. On débute tout de suite avec Sanza Valore. Thank you.

Donc, vous venez d'entendre une pièce assez planante qui nous vient de Artik, un artiste ukrainien qui reste en Pologne. C'était sa pièce Polka. Un artiste assez jeune qui a 21 ans, je crois. Donc, je crois qu'il va avoir une carrière quand même assez intéressante s'il commence comme ça tout jeune. Avant ça, c'était Uncle Owen, Aunt Beru, la pièce Earth is the Right Place for Love. Puis, c'était précédé par Sansa Valore, la pièce Bigger Veins. Trois artistes qui sont sur l'étiquette israélienne Birdsong. Je vous invite à aller faire un tour du côté de cette étiquette. Ils ont plein d'albums assez variés. C'est une étiquette vraiment intéressante. Je vous la recommande énormément. On poursuit l'émission Web Music avec An Hokkaido Summer. Je vous fais passer la pièce Benzo Diap Zepin. Ça va être suivi par Low in the Sky, la pièce Fax MN. We'll be right back. We'll be right back.

see me when I beg a warrior. Nigga cat bounce, hold the chairs, beat Doritos to the bears. Honey, quick, a Polaroid. When I beg a warrior, bread and soldier away. When I beg a warrior, a true Yankee fire. By the sink, show your grandson who's so off. Tie your dope boots to the front, you haul trailer for the souvenirs that you buy along the way. With a bag of wire, bread and soldier Wayne. With a bag of wire, a true Yankee pioneer. Yankee pioneer. C'était Dead Kennedys avec la pièce Winnebago Warrior. C'était précédé par Primus avec Jerry Was a Race Car Driver. Puis enfin, on a débuté avec Subhumans, la pièce Somebody's Mother. On poursuit l'émission web musique avec un peu de Death From Above 1979. Je vous fais entendre la pièce Little Girl. Ça va être suivi par No Means No, la pièce The Valley of the Blind, puis enfin un peu de Fantomas, la pièce Page 15. Pour tout de suite, Death From Above 1979 à Webmusic. We'll be right back. C'était Fantomas, la troupe malade de Mike Patton. C'était la pièce Page 15. Avant ça, c'était No Means No avec la pièce de Valley of the Blind. Puis enfin, on avait débuté avec Death from Above 1979, la pièce Little Girl. On poursuit encore avec un peu de musique qui fesse dans les avec une botte de ski, comme on dit. On va entendre Bottle Surfers, la pièce Who Was in My Room Last Night. Puis on poursuit avec un groupe de Vancouver qui s'appelle You Say Party, We Say Die. Je vous fais entendre la pièce The Gap. Pour tout de suite, Bottle Surfers. I'm flying. Bye.